Coucou, c'est Mathieu. Pour vous permettre de continuer à écouter les petites histoires gratuitement, j'ai décidé de faire appel à des sponsors. En écoutant leurs messages publicitaires, vous nous permettez de continuer à imaginer des tas d'histoires pour vous. Merci de votre soutien. Les petites histoires de Tell Me. Le dernier cadeau. Plus qu'un seul cadeau à livrer et un repos bien mérité s'offrirait à nous. Le jour de Noël a toujours été une sacrée course contre le temps. À nos débuts, il y a eu quelques ratés. Je vous laisse imaginer la pagaille quand un enfant se retrouvait avec une peluche nuage alors qu'il avait commandé un vélo. Heureusement, ça n'a pas duré. Nous nous sommes très vite organisés pour que tout soit réglé comme du papier à musique. Si bien que depuis fort longtemps, à chaque Noël, tous les cadeaux sont bien livrés au pied du bon sapin. Depuis la nuit des temps, j'accompagne Père Noël dans sa tournée. Je suis sa copilote, la seule elfe de Noël à connaître le trajet de livraison par cœur et celle qui anticipe les soucis qui peuvent se présenter sur notre route. Mais ce truc-là, je ne l'avais pas vu venir. On survolait depuis de longues secondes une prairie où broutaient paisiblement veaux, vaches, moutons et quelques biquettes. « Ça ne va pas du tout! Je ne vois pas de maison !» On aurait dû apparaître juste au-dessus. Impossible que mes calculs soient faux. Le monde est plein de surprises, ma chère Fridilu. Peut-être, mais ça ne me dit rien qui vaille. Tu t'inquiètes pour rien. Oh, oh, oh. Ah voilà, regarde au loin, une ferme. Plantée au milieu d'une plaine qui s'étend à l'infini. C'est louche. Tu te fais du mouron pour rien. Accroche-toi bien, j'entame la descente. Et là, d'un coup, le brouillard nous enveloppa. Il était si épais que Père Noël fut obligé de ralentir l'allure. Et lorsqu'on se posa... La maison, elle a disparu! Avec cette purée de poids, j'ai du mal à évaluer la distance. Elle ne doit pas être bien loin. Là-bas, il y a une lueur. Vous avez complètement raté votre atterrissage. Il y a un peu moins de brouillard, mais ce serait encore trop risqué. Allons-y à pied, ça nous dégourdira les jambes après toutes ces heures de vol. Père Noël ne s'encombra pas de sa hotte et attrapa le dernier cadeau. On laissa l'attelage derrière nous et on se mit en route. Le brouillard nous empêchait de distinguer ce qui nous entourait. On ne pouvait même pas voir où on posait les pieds. La lointaine lueur était comme un phare, mais un phare qui ne semblait pas se rapprocher d'un pouce alors qu'on marchait à un bon rythme. Mon instinct d'elfe me hurla de retourner au traîneau. Mais lorsque je jetai un œil derrière moi, il n'était plus là. Un concert de bruit s'éleva. Tout autour de nous, ça grognait, couinait, gnarnouffait. Qu'est-ce que c'est? Les animaux de la plaine, sans doute. Ça ressemble plutôt à des choses tapies dans le brouillard qui attendent le bon moment pour nous bondir dessus. Tu as toujours été trop inquiète. Et vous, trop insouciant. Je suis l'esprit de Noël. Et foi de moi, rien de mauvais ne nous arrivera. « Regarde, le brouillard se lève. Rien ne résiste à mon optimisme. » De la brume émergea une forme gigantesque et monstrueuse. Prise de panique, mes pieds s'emmêlèrent et je tombai sur les fesses. « Voyons, Fridilu, c'est juste un arbre. » Un arbre immense et drôlement tordu. Toutes ses branches étaient courbées vers nous, comme s'il voulait nous attraper, mais qu'il s'était arrêté parce qu'on le regardait, comme si on jouait à 1, 2, 3 soleils. J'étais sûre que dès qu'on aurait le dos tourné, il s'empresserait de nous attraper. C'est à ce moment-là que je m'aperçus que l'herbe était devenue toute... grise ! Regardez l'herbe ! Comment c'est possible ? Elle était toute verte, vue du ciel ! Le soleil est voilé par les nuages ! Arrêtez un peu ! C'est impossible ! Ça ne marche pas comme ça ! Alors quoi ? Le brouillard a volé les couleurs ? Peut-être. Alors pourquoi avons-nous gardé les nôtres ? Et les animaux alors ? Où sont-ils tous passés? Retournez à l'étable. Ça avait l'air d'être une grosse ferme. Décidément, Père Noël était trop optimiste. Malheureusement, ça n'avait aucun effet sur moi. La peur se faisait une joie de transformer mon estomac en sac de nœuds. Alors que je fixais l'arbre, terrifié, un homme surgit de son ombre. Il portait un costume noir, tout bouloché. Son visage cireux était déformé par une grimace qui lui donnait un air de bougie fondue, sur laquelle étaient accrochées deux petites billes d'un rose vif. « Père Fouettard !»« Tu n'es qu'une vilaine boulotteuse de cookies croquants. »« Fouettard, tu n'as rien à faire ici !»« Tu n'as pas été sage du tout cette année. Tu mérites une Je n'ai rien fait. Rien fait? Pourtant, toute cette année et toutes les autres, tu as volé les délicieux gâteaux de Père Noël. C'est impossible d'y résister. Ils sont tellement délicieux. Et puis, je ne les garde pas que pour moi. Je les distribue aux autres elfes. Et heureusement que tu me les chapardes. Vous saviez? D'après toi, pourquoi sont-ils toujours bien en évidence? Alors, vous ne m'en voulez pas? Au contraire, sans toi, je serais une vraie grosse boule de Noël. Des petites bulles de joie me dénouèrent l'estomac. Une brise légère balaya l'image du père Fouettard, nous laissant seuls au pied de l'arbre sinistre. La silhouette de la ferme se découpait au loin. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez lui? Depuis quand il s'en prend aux elfes de Noël? Vous n'êtes pas des enfants. Je ne sais pas, j'ai eu la peur de ma vie. Fouettard et moi, on aura une petite discussion. Mais avant, on a un dernier cadeau à déposer au pied du sapin. On se remit en route. J'avais le cœur plus léger, porté par l'air joyeux que Père Noël chantonnait. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Qui m'a lancé une peau de banane? Une pluie de peau de banane se déversa sur la plaine avant de s'arrêter brusquement. Nous étions cernés. Ma peur du père Fouettard n'est rien à côté de celle des peaux de banane. Je les ai en horreur. Elles sont fourbes et mauvaises. Un instant d'inattention et patatras. C'est à cause d'une peau de banane que j'ai renversé un carton entier de lettres au Père Noël parfaitement triées. À cause d'elle que je me suis retrouvée saucissonnée dans un bac de bolduc. Et la fois où j'ai fait tomber le grand sapin. Encore et toujours à cause d'une de ces satanées peaux de banane. Une vraie calamité. Pire, une malédiction. Et à ce moment précis, j'avais l'impression que c'était la fin. On ne pourra jamais avancer. Oh, comme si des peaux de banane allaient nous arrêter. Je n'y arriverai jamais. Qu'à cela ne tienne, je vais te porter. Père Noël me fit grimper sur ses épaules, puis il bondit, évitant avec soin les peaux de banane. Il sautait, virevoltait, cabriolait comme un danseur de l'opéra. À chaque enjambée, la maison se rapprochait. C'était géant. Jusqu'au moment où il se banana et s'étala de tout son long. Père Noël, vous allez bien? Oh, oh, oh, je vais avoir un joli bleu. Nous ne sommes plus très loin. Mais pourquoi tu fais cette tête? Père Noël suivit mon regard et découvrit avec effroi le dernier cadeau tout cabossé. Par toute la guirlande. Non, non, non, c'est impossible. Pour la première fois, j'eus l'impression de voir un vieux monsieur démuni. Je ramassai le paquet et le secouai délicatement. Ça n'est pas cassé. Enfin, je crois. Vous voulez qu'on l'ouvre pour voir? Règle numéro 1, on n'ouvre pas un cadeau qui n'est pas pour soi. C'est très grave. Le cadeau n'est pas présentable. Nous avons échoué, Frédilu. L'important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, pas l'emballage. Nous avons une tournée à terminer. Oh bah ça alors, les peaux de banane, où sont-elles passées? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Avançons. Au loin, la ferme n'était plus une silhouette, mais une enfilade d'imposants bâtiments d'où s'échappaient de joyeux caquettements, beuglements et autres bêlements. Père Noël avait raison, mais il semblait s'en moquer. Il tenait le cadeau entre ses grosses mains, l'air triste. On dépassa un gros rocher, derrière lequel un enfant était en train de jouer à la dinette avec une licorne en peluche. En nous entendant arriver, il se tourna. Au lieu d'un sourire, un torrent de larmes inonda son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Vous êtes venu me punir parce que j'ai été un vilain garnement ?»« Ce n'est pas le père Fouettard, mais Père Noël que tu as devant toi. Tu as de la chance, tu sais. Personne ne le voit jamais. » Père Noël, c'est un gros méchant qui offre des cadeaux cassés. Les copains disent que ce qu'il aime, c'est rendre les enfants tristes. Mais non, jamais je ne ferai ça. Si, même que vous allez en livrer un à la ferme. Mais il n'est pas cassé, enfin, je crois. Voilà, vous avouez, vous êtes vraiment un affreux monsieur. Je suis désolé, mon garçon. Vous êtes un gros cauchemar joufflu. J'espère que je vous oublierai vite. Venez, Père Noël. Il faut mieux le laisser. Il se rendra compte qu'il a tort en découvrant son cadeau au pied du sapin. Je casse un cadeau et voilà que je fais pleurer un enfant maintenant. Il a juste été influencé par une rumeur. Vous êtes l'esprit de Noël. Les sourires fleurissent là où vous allez. Et ce cadeau n'est pas cassé, sinon le paquet ferait du bruit. Il est tout cabossé. Il y a même un coin de paquet qui est déchiré. C'est trois fois rien. Vous savez quoi? On laissera un petit mot, et quand on sera de retour chez nous, je verrai avec les autres si on peut revenir déposer une sorte de cadeau d'excuse. Ce serait une première, mais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Tu crois? Foi de Fridilu, tout ira bien. Tu as raison. Il y a toujours des solutions si on voit le bon côté des choses. J'ai été élevée à bonne école. Dès qu'on se remit en route, l'épais brouillard se leva d'un coup. On était de retour à notre point de départ, près du traîneau. Un duo de chenapans était en train de le gribouiller sous les grondements de protestation des rennes. Arrêtez ça tout de suite! Ben quoi? On décore ce vieux traîneau? Faut vraiment vivre dans un autre temps pour se balader dans un truc pareil. Vous ne l'avez pas reconnu? C'est celui de Père Noël! Oh alors, le gros plein de soupe avec toi, c'est vraiment Père Noël? En effet, les enfants! Ouah, l'autre sur un gars! Tu vas voir qu'ils vont nous parler de la magie de Noël et tout. Comme si on avait besoin d'un vieux livreur joufflu qui apporte des sourires! Mais je... Qu'est-ce que t'as, vieux schnock? Attendez une petite minute, vous deux. Le Père Noël va réchauffer vos cœurs d'endives gelées et vous serez bien obligés de vous excuser pour toutes les méchancetés que vous avez déblatérées. Et qu'il essaie. On va bien rigoler. On devrait y aller, Fridilu. Ouais, c'est ça. Rentre chez toi avec ton microbe de compagnie. Ressaisissez-vous, Père Noël. Épatez-les en leur disant de quel cadeau ils ont vraiment envie au plus profond de leur cœur. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne suis qu'un vieux machin dépassé, incapable de prendre soin des cadeaux. Vous rigolez? Ce tour est aussi facile pour vous que d'additionner deux et deux. Bon, je... Mais je ne sens rien. Je n'arrive même pas à savoir vos prénoms. Comment est-ce possible? Tout ceci n'est pas réel. Les rayons du soleil percèrent les nuages et les chassèrent. La plaine grisâtre retrouva ses couleurs et ses animaux qui broutaient gaiement. Plus étonnant encore, nous étions à présent au pied de la maison avec notre traîneau. Père Noël avait l'air aussi perdu que moi. La porte de la ferme s'ouvrit, laissant apparaître une femme. Ses cheveux avaient l'air d'une cascade enflammée qui descendait jusqu'à ses épaules. Son visage de marbre ne laissait paraître aucune expression. « Il est rare de voir des visiteurs sur la plaine des peurs. »« La plaine des peurs ?» Tout à fait. Je suis Radzla, la bergère. Je veille sur les peurs. Le père Fouettard, les bananes, ce sont mes plus grandes peurs. Et vous, Père Noël, vous en avez aussi? Qui n'en a pas, Fridilu? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on les a surmontées. Heureusement. Sinon, vous vous seriez perdu dans le brouillard. Mais ce n'est pas une manière de recevoir des visiteurs. Ainsi fonctionne la plaine. Je n'y peux rien. D'autant plus que nul n'est censé fouler ces terres, surtout pas un esprit aussi solaire que vous, Père Noël. On avait un cadeau à déposer chez vous. Vous avez dû vous tromper. Personne ici ne vous écrirait. Si, moi. Un petit garçon se faufila entre les jambes de Radzla, une version miniature de la bergère, mais avec des yeux remplis d'étoiles et un sourire comme un soleil. Vous avez répondu à ma lettre. Vous existez pour de vrai? Ilo, tu lui as vraiment écrit? Mais comment as-tu su? J'ai croisé une peur d'enfant il y a quelques jours, celle de ne pas recevoir de cadeaux à Noël. Ça m'a intriguée, alors je lui ai posé plein de questions. Elle m'a tout expliqué et ça m'a amusée, alors j'ai écrit une lettre. Mais comment as-tu pu l'envoyer? Toutes les lettres qu'on écrit au Père Noël finissent toujours par lui arriver. Ça fait partie de la magie de Noël. Oh, je suis vraiment confuse. Si j'avais su que mon fils vous écrirait, je serais venue vous chercher pour vous permettre d'échapper à vos peurs. Ce n'est rien, cher Ratzla. Aucun obstacle ne peut nous empêcher de livrer les cadeaux. Joyeux Noël! C'était une histoire de Mathieu Jonel. Vous avez aimé cette histoire? Dites-le nous par mail, Facebook ou en laissant un commentaire sur votre application de podcast. Ça nous fera très plaisir. À bientôt!